Bien-aimés, je vous dis bonjour. Nous allons partager une petite exhortation. C'est très très important ce que je vais dire parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. C'est le même Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux avaient affaire à ce Dieu-là. Nous, aujourd'hui, on a affaire au même Dieu. Il ne change pas. Même tempérament, même caractère, même vision. Il ne change pas. Les cieux et la terre passent, mais lui, alléluia, c'est le grand Dieu. Il ne change pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Qu'est-ce qui se passe quand Moïse quitte l'Égypte avec les enfants d'Israël pour aller à la terre promise? Dieu dit à Moïse, il faut que le peuple sorte de l'Égypte pour aller à la terre promise. Alléluia. La parole de Dieu nous a été prêchée pour qu'on quitte le monde pour aller à la terre promise. La terre promise pour nous, la finalité, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes en route. Quiconque est en Jésus-Christ est en route, à l'heure où je vous parle, pour le royaume de Dieu. Comme les enfants d'Israël, une fois sortis d'Égypte, étaient en route pour la terre promise. Notre terre promise aujourd'hui, c'est le ciel. Notre terre promise aujourd'hui, c'est le paradis. Chacun de nous est en route pour le paradis. C'est notre terre promise. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père, votre Père. Je m'en vais vous préparer une demeure. D'accord? La demeure, ce n'est pas ici, c'est là-bas au ciel qu'il a construit nos demeures. Donc nous sommes en route pour aller occuper nos demeures. On est d'accord? Mais, vous allez entendre ce que l'apôtre Paul dit. Je voudrais d'abord lire dans le livre de Nombre. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 11 au verset 1. Quand Moïse sort de l'Égypte avec les enfants d'Israël, ils vont traverser un désert avant d'arriver à la terre promise. Mais qu'est-ce qui se passe dans le désert? D'accord? Voilà ce qui se passe dans le désert. La Bible déclare au verset 1, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse prit l'Éternel et le feu s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans le désert, ils ont commencé à murmurer, oh Moïse, on est dans le désert, il n'y a même pas l'eau. Oh Moïse, est-ce vraiment Dieu est avec toi? Oh Moïse, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé? Comment se fait-il qu'on souffre? Comment vraiment Dieu, pour où est la bénédiction? On était même mieux voit encore notre situation en Égypte. Alors qu'ici, nous sommes en train de galérer dans le désert. Et tu dis que Dieu t'a envoyé? Est-ce vraiment Dieu? Donc les murmures ont commencé. Parce qu'ils étaient confrontés à des difficultés. Ils étaient confrontés à des épreuves. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu vas à la terre promise, Satan est jaloux, alléluia, de toi. Et c'est lui qui va essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Il va essayer de perturber le trajet, ton itinéraire, pour que tu jettes l'éponge. C'est ça le but. Et l'apôtre Paul dit, je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 1. Voici ce que notre bien-aimé Paul dit. Frère, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous été bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. L'apôtre Paul nous dit, bien-aimés, nous sommes en Christ, mais on a affaire au même Dieu. Ne commettez pas les erreurs des anciens lorsqu'ils étaient dans le désert. Parce que lorsqu'ils étaient dans le désert, leurs murmures ont provoqué la colère de Dieu et Dieu a frappé les récalcitrants. Dieu les a frappés. Combien de fois j'ai entendu une sœur dire, bien-aimée, mon Dieu, lorsqu'on m'a prêché l'évangile, on m'a dit, viens à Jésus, tu seras béni, nanana. Mais moi, quand j'étais dans le monde, hein, mon sac à main, dans mon sac à main, il y avait au moins un billet. Or, aujourd'hui, je galère. Je n'ai même rien pour prendre un bus. Depuis que je suis en crise, alors qu'on m'a dit, viens en Jésus, tu seras béni. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Vous avez d'autres? Je connais une femme. Ah non, depuis que je prie, j'ai fait des jeûnes. Je ne fais pas d'enfant. Dieu va me donner un enfant quand elle ne vient plus à l'église. Elle est assise chez elle. Parce que pour elle, Dieu ne veut pas lui donner l'enfant. D'accord? Il y a une autre. Oh, depuis que je prie, Dieu ne me donne pas de mari. Elle a abandonné l'église, ça fait 3 ans. Il faut voir comment elle change. Elle même fait des choix, des mondains. Celui-là vient coucher pendant 5-6 mois. Basta, il part. Ensuite, un autre copain, ça tourne en boucle. Où est le mari? Mais moi, j'ai envie de lui dire, mais tu as abandonné l'église parce que le mari ne venait pas, mais depuis que tu es dans le monde, ça fait 3 ans. Où est le mari? Bien-aimé, combien parmi nous murmurent? Oh, ça fait longtemps que je fais des jeûnes pour trouver du travail, le travail ne vient pas. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau. Vous vous rendez compte? Nous sommes des millions à remplir les églises dimanche et Jésus parle du petit troupeau. Il dit, ne crains pas, petit troupeau. Le Père vous a jugé digne de vous donner le royaume. C'est le petit troupeau. Mais comment se fait-il que les personnes sont disqualifiées? C'est Satan qui va t'arrêter. La Bible déclare que à cause de l'amour de l'argent, beaucoup se sont égarés loin de la foi. 1 Timothée 6, beaucoup ne sont plus en Christ parce qu'ils aiment l'argent. Oh frère, j'ai des gosses à nourrir, j'ai pris le temps de venir à l'église, hein? J'ai quand même mes enfants à nourrir, en tout cas je travaille dimanche, je n'ai plus le temps. Hein, bien-aimé, c'est quand même ce top qui me donne l'argent, j'ai pas le choix, Dieu comprend. Donc même si je couche avec lui pour sans mariage, Dieu comprendra. Oh, des murmures dans tous sens. Les murmures. Oh, ça fait longtemps que je prie. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur. Dieu, la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu et la parole ont toujours été ensemble. La Bible nous dit que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, le Père et le Fils ont toujours été comme ça, au commencement. D'accord? Ils ont toujours été ensemble. Mais Dieu, dans son amour, lorsqu'il a regardé la terre, il a vu que tous les hommes étaient perdus. Dieu sait que le feu de l'enfer, là, ça va cramer les gens. Les gens seront cramés, c'est-à-dire le diable et sa cohorte de démons. Dieu a mis la dose pour le feu de l'enfer. Il a mis la dose pour que Satan, pour cramer le diable et ses démons. Et Satan a dit, ok, comme le lac de feu m'attend, oh Dieu, moi je n'irai pas seul. Il faut que j'amène le maximum d'hommes avec moi. C'est ça la vision du diable. Le diable sait qu'il n'a plus rien à perdre. C'est l'enfer qui l'attend. Et ce qu'il fait aujourd'hui, lui et ses démons, avec la complicité de ses serviteurs, les sorciers, c'est de bloquer les gens pour les empêcher d'aller au royaume de Dieu. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en route pour les lieux célestes. Et Satan fait tout pour arrêter les gens. Mais quand Dieu a vu que non, le plan du diable ne peut pas réussir, il a envoyé son fils unique. Dieu n'a pas 2 enfants. Fils unique, Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu. Pour la première fois dans son existence, Dieu va connaître la solitude. Parce que les anges ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais Dieu n'a qu'un fils, Jésus. Et quand Jésus vient sur terre, le Père et le Fils étaient toujours en relation. D'accord? Mais lorsque Jésus va revêtir sur lui nos iniquités, notre impurité, nos péchés, la liaison avec le Père est coupée. Et c'est pourquoi vous allez entendre Jésus dire, Père, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, Jésus ayant déjà revêtu sur lui nos iniquités, Dieu n'ayant pas de contact avec l'impureté, la liaison a été coupée. Mais pourquoi Jésus vient se charger de nos iniquités? C'est pour notre délivrance. Est-ce que vous réalisez ce que Dieu a fait? Un seul enfant. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas dire à mon enfant, d'autres ont fait la connerie, va payer. Jamais. Vous vous rendez compte? Dieu a connu la solitude. La première fois dans son existence, il est séparé de son fils. Parce que son fils avait porté nos péchés. Et comme Dieu n'a pas de relation avec l'impureté, la liaison a été coupée. Vous vous rendez compte? Ce que Dieu a fait pour nous, toi qui murmures contre Dieu parce que tu n'arrives pas à enfanter, toi qui murmures contre Dieu parce que tu n'as pas de boulot, tu as vu ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait les gens dans le Jourdain, il a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Répentez-vous alors de vos mauvaises œuvres, parce qu'il ne suffit pas de venir au baptême. Jean-Baptiste parle de la colère à venir. Oui, bien-aimé, il y a une colère à venir. Il y a une colère à venir. À l'heure où je vous parle, le livre de vie est ouvert. À l'heure où je vous parle, Dieu continue à écrire les noms de toute personne dans le monde qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu écrit son nom dans le livre de vie. À l'heure où je parle, le livre de vie est encore ouvert. Et toute personne, où que tu sois, qui reçoit Jésus, Dieu écrit son nom dans le livre de vie. Mais il vient un temps où Dieu va fermer le livre et ce ne serait plus possible. Vous connaissez l'histoire de Noé. Dieu a dit à Noé, je vais détruire, construis l'arche et invite les gens à entrer dans l'arche. Mais personne ne croyait à Noé. Noé disait, Dieu va détruire le monde, venez, Dieu va détruire. Les gens se moquaient de lui. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher l'évangile, en train d'avertir le monde, mais on se moque de nous. Pareil qu'au temps de Noé. Mais Dieu regarde son monde, d'accord? Dieu regarde, lui il s'en fout que des gens entrent dans l'arche avec Noé, qu'il refuse d'entrer, c'est pas son problème. Lui sait que dans tant de jours, tant d'années, je ferme le livre de vie. Tant pis pour celui qui joue dur. Tant pis pour celui qui joue à l'orgueil. Dieu ne viendra pas se mettre à genoux pour te supplier. Ah, je me mets à genoux, c'est moi Dieu. Oh, viens, viens. Il n'a pas de temps. Il est souverain. Je crois qu'il a fait beaucoup pour nous. Le Fils unique est venu endurer tout ce qu'il a enduré pour ton salut. Et tu murmures. Oh, je ne vois pas de travail. Oh, depuis que je suis là, rien ne marche. Vous connaissez Lazare? Lazare, personne ne peut aller au ciel s'il n'a pas la foi en Dieu. Lazare souffrait tellement qu'il mangeait dans les poubelles d'un homme riche. Mais quand il est mort, il s'est retrouvé dans le royaume de Dieu avec Abraham. Parce que Lazare savait que quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer sur terre, mon salut est plus important. Je ne peux pas le laisser. Il s'accrochait à son salut. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir tout ce que tu veux, le beau mari, la belle femme, des beaux enfants, des comptes bancaires garnis. Vanité des vanités, tout est vanité, tu abandonneras ces choses un jour et tu partiras, ça restera. Ne perds pas ton salut pour des futilités de la terre. Je connais un homme, un oncle à moi, quand tu disais bonjour, quand les gens disaient bonjour à sa femme, il se mettait en colère et quand il est mort d'une maladie, aujourd'hui, tout le monde couche avec. Quand je vois sa femme dans les bras d'un autre homme, je me dis, oh là là, les morts, si les morts pouvaient revenir sur terre, d'autres couchent avec. Alors que de son vivant, quand un homme disait bonjour à sa femme, c'était la fin du monde. Vanité des vanités, d'autres couchent maintenant avec, à volonté. Alors que toi, tu perdais, tu te torturais à faire la jalousie, ça sert à quoi? Eh, ma soeur, tu n'arrives pas à prier parce que ton cœur c'est sur ton mari. Mais tu ne sais pas, peut-être tu partiras avant ton mari. Ton mari là va coucher avec d'autres femmes. Eh, mon frère, d'autres personnes resteront à coucher avec ta femme. Ne perds pas ton salut pour ça. Accroche-toi au salut que Jésus te donne. D'autres coucheront avec elle. Que tu le veuilles ou non, toi tu seras déjà dans le cercueil. N'attachez pas d'importance aux choses de la vie. L'apôtre Paul a dit, ces choses du monde de la vie qui avaient de la valeur pour moi, je les vois maintenant comme de la boue. Comme de la boue. C'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Parce que nous sommes en route pour le royaume de Dieu. Et Satan fait des calculs pour nous arrêter. Et le diable va toucher que sur les choses de la terre. Parce que le diable ne peut pas toucher sur ton salut. Le diable va toucher sur ta recherche de boulot. Le diable va toucher sur la relation entre toi et ta femme. Satan va toucher sur ton compte bancaire. Le diable va toucher sur ta voiture, provoquer des pannes et des accidents. Le diable va toucher sur l'unité de votre famille. Satan va chercher à diviser la famille. Le diable va toucher que sur les choses de la terre. Vous connaissez une jeune femme. Elle s'appelle Anne. Dans l'évangile de Luc, la Bible dit que son mari est mort. Elle était encore jeune. Anne a dit que Dieu me donne un autre mari. Moi, je m'accroche à Jésus. Elle est restée, elle a vieilli sans un autre mari, mais Anne est dans le royaume de Dieu. Vous connaissez Zacharie et Élisabeth. La Bible dit ils étaient fidèles au service. La Bible dit d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfant. Je vous informe qu'en Israël, quiconque, tout couple qui n'avait pas d'enfant, c'était un signe de malédiction. Allez lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombre. C'était un signe de malédiction. Comment expliquer que Zacharie et sa femme Élisabeth, ils prient tous les jours. Ils vont à l'église, ils font des jeûnes de prière, ils donnent des dîmes, mais pas d'enfant. Des gens pouvaient dire, oh, c'est des faux enfants de Dieu. Si vraiment ils étaient fidèles à Dieu, Dieu leur aurait déjà donné un enfant. Oh, c'est des histoires. Ils doivent faire des choses louches. C'est pourquoi il n'y a pas la bénédiction. Et ils se sont mariés depuis jeunes. Là, maintenant, ils sont vieux, pas d'enfants. Ce sont des faux croyants. C'est des faux chrétiens. Mais remarquez, Élisabeth et Zacharie étaient fidèles. Ils n'ont pas dit, oh Dieu, tu nous as refusé un enfant toute notre vie. Nous, on en a marre. Ils n'ont pas tourné le dos à Dieu. Quand Gabriel apparaît à Zacharie, lui dit, tes prières ont été exaucées. Amen. Tes prières. Et Zacharie dit, mais ma chérie est vieille, là, la vieille que j'ai à la maison là. Hein, Gabriel, tu me dis quoi? La vieille que j'ai chez moi là, va encore tomber enceinte. Va encore tomber enceinte, la vieille là. Nous, on est plus jeunes, Gabriel. Ce temps-là est fini, le temps où on voulait un enfant, on était jeune couple. Là, on est des vieillards. La vieille que j'ai à la maison, ça va se passer comment? Mais Jean-Baptiste est né, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le diable a été humilié. Le diable a attaqué ce couple, pour que ce couple, je vous dis, Zacharie et Élisabeth ont été humiliés. Mais qu'est-ce que Gabriel dit lorsqu'il va parler à Marie? Il dit, celle qu'on appelait stérile est à son sixième mois. Celle qu'il appelait stérile, c'était des voisins. C'était des amis et connaissances qui appelaient Élisabeth la stérile. Vous l'avez vu passer, la stérile là. C'est pourquoi Gabriel dit à Marie, celle qu'on appelait stérile est à son sixième mois. Celle qu'on appelait. C'est-à-dire que les païens t'ont donné un nom. Un nom de moquerie. Mais Dieu sait, depuis le royaume de Dieu, qu'ils t'ont donné un nom pour se moquer de toi. Mais Dieu va te délivrer et ils seront humiliés. La Bible déclare que lorsque Zacharie, lorsque Jean-Baptiste est né, on s'entretenait de lui dans toute la région. Et pourtant, beaucoup de femmes ont accouché, mais partout, on ne parlait que du bébé qui s'appelle Jean-Baptiste. Dieu est un Dieu de miracles, et c'est Dieu qui va t'élever, et c'est Dieu qui va humilier ces gens qui sont en train de se moquer de toi. Ce que Dieu te demande, c'est de rester fidèle. Il ne faut pas murmurer. Zacharie et Élisabeth n'ont pas murmuré. Vous vous rendez compte? Et pourtant, ils pouvaient dire, on gagne quoi à être fidèle à Dieu? Qu'est-ce qu'on gagne? On n'a même pas d'enfant, les autres se moquent de nous. Qu'est-ce qu'on gagne? On laisse tomber. Mais ils n'ont pas laissé tomber. Ils n'ont pas laissé tomber. Bien-aimés, ne provoquons pas nous-mêmes la colère de Dieu. Sache que tes murmures, Dieu les entend. Ne provoque pas toi-même la colère de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous avertit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 1 que frère, ne commettons pas l'erreur de nos anciens lorsqu'ils étaient dans le désert. Parce que lorsqu'ils ont commencé à murmurer contre Dieu, parce qu'ils étaient confrontés à des difficultés, c'est vrai. Et Dieu s'est mis en colère et beaucoup ont été frappés. Mais on a affaire au même Dieu. Il n'a pas changé. Et l'apôtre Paul nous dit, si vous passez du temps à murmurer contre lui, tant pis pour vous. Parce que vous allez provoquer sa colère et vous serez disqualifiés. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le livre de vie, c'est Dieu qui marque les noms et c'est Dieu qui peut effacer ton nom du livre de vie. C'est Dieu qui peut l'effacer. Donc, frère, quelle que soit la situation que tu traverses, ma soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, reste fidèle à Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. La parole que nous avons là, de l'autre côté là-bas, tu vas retrouver la même parole. Tu vas retrouver la même Bible. La parole de Dieu, elle ne passera jamais. Ne provoquons pas la colère de Dieu. Tu as des besoins. Oui, Lazare, pour aller manger, fouiller la poubelle d'un homme riche, il avait des besoins. Mais Dieu ne nous demande pas d'être comme Lazare. Non, parce que Dieu savait que le diable va nous mettre les bâtons dans les roues. Mais Dieu a pourvu à nos besoins. C'est pourquoi Éphésiens au chapitre 6, Dieu t'a donné des armes. Parce que le diable te combat, Dieu nous a laissé des armes. Et vous avez des chrétiens qui n'utilisent pas ces armes-là. Après, ils croient que c'est Dieu qui est méchant, c'est Dieu qui ne leur donne pas ce qu'ils ont demandé. Utilise les armes. Satan est contre toi. Tu es en train d'aller à la terre promise et le diable va en enfer. Tu crois qu'il est content, il est jaloux de toi. Il va faire tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Jésus nous donne les armes dans Éphésiens chapitre 6 pour combattre le diable. Mais vous avez des chrétiens qui ne combattent pas. Ils passent leur temps à pleurnicher. Ils passent leur temps à murmurer contre Dieu. Mais si tu n'utilises pas les armes, le diable va te marcher dessus. Si tu n'utilises pas les armes, il va te cracher dessus. Satan va en profiter. Jésus a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Tu laisses les démons te torturer. Hein, tu ne peux pas dormir la nuit, les maris, les femmes de nuit. Mais utilise le nom de Jésus. Combat, tu es en guerre. Quiconque est en Christ est en guerre. Le paradis, ce n'est pas ici. Beaucoup croyaient que si je donne ma vie à Jésus, je suis au paradis. Non, non, non. Le paradis n'est pas sur terre. Le paradis, c'est de l'autre côté. Ce n'est pas ici. Le repos dont la Bible parle, c'est pas ici. Le repos, c'est là-bas. Parce que quand on sera au royaume de Dieu, il n'y a plus de combat. On a tout à notre disposition. Mais pendant que tu es encore ici, tu es en marche pour la terre promise, pour le paradis. Et pendant que tu fais ce trajet, Satan est jaloux de toi. Il va essayer de tout faire pour t'arrêter. C'est pourquoi Jésus a dit, efforcez-vous, efforcez d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Mais pourquoi? Parce que Satan va les arrêter par les choses de la terre. C'est par les choses de notre vie que Satan va t'arrêter. Il va te dire, oh, regarde, tu as même âge que tel, vous avez fait le CM2 ensemble. Regarde, lui, il a déjà construit des maisons, toi, tu fais quoi? Hein? Vous avez eu le bac ensemble, non? Regarde, l'autre est déjà un grand monsieur. Toi, tu es encore là par terre, tu n'as même pas de voiture. Hein? Regarde l'autre fille, depuis qu'il s'est marié, hein, vous étiez ensemble célibataire. Elle s'est mariée, toi, tu es en train de prendre de l'âge. Satan va venir te parler que par les choses de la terre pour te décourager. Vous vous rendez compte de ce que le diable a dit à Anne dans l'évangile de Luc? Ah, ton mari est mort, tu es encore une jeune femme, tu es en train de vieillir, tu n'as même pas d'enfant, tu n'as pas honte, on se moque de toi, cherche un mari. Mais elle n'a pas obéi. Ce sont des personnes qui n'attachent plus de l'importance aux choses de la terre qui seront sauvées. C'est pourquoi la Bible parle de la violence. D'accord? Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont des violents qui s'en emparent. Quelle violence! C'est des gens qui disent, oh, d'accord, je n'ai pas de mari, c'est rien, j'ai Jésus. D'accord, je n'ai pas de travail, c'est rien, j'ai Jésus. D'accord, l'argent, machin, c'est rien. C'est rien, mais j'ai Jésus. Si Jésus a beaucoup plus de place dans ton cœur, Satan ne pourra pas t'arrêter. Mais si Jésus a la deuxième ou la troisième place, c'est ton boulot qui a la première classe, la première place. C'est ta femme qui a beaucoup plus de valeur. Ce sont tes enfants. C'est l'avenir de tes enfants. Si c'est ça qui a la première place dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas loin. Tu n'arriveras pas à la terre promise. Mais les personnes qui arrivent là-bas, c'est les personnes, même si ma femme divorce, je m'en fous, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Même si je n'ai pas de travail, Jésus d'abord. Ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Ce sont ces personnes-là qui iront jusqu'au bout. Mais si Jésus a la deuxième place, si le travail a la première place, si ta famille compte plus que Jésus, Satan va t'arrêter. Parce qu'il passera par là. Là où tu as ton cœur, c'est là où le diable va passer pour t'arrêter. Et le diable est en train de t'observer. Il regarde ta vie. Il regarde ta vie pour trouver là où... Comme il regardait les disciples, il a vu que Judas, c'est pas le salut qui l'intéresse. Quand je regarde le gars là, moi je vois que son cœur est beaucoup tourné sur l'argent. Parce que je vois ce qu'il fait. Donc, je vais passer par l'argent pour l'avoir. Et il a eu, le diable a eu Judas par l'argent. Mais quand le diable te regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui a beaucoup plus de poids dans ton cœur? Jésus ou les choses de la terre? Parce que quand il va découvrir que Jésus n'a pas la première place dans ta vie, il va regarder qu'est-ce qui est la première place. Est-ce que c'est ton commerce? D'accord? Est-ce que c'est ton mari chéri là? Parce qu'il y a des femmes, quand ça ne va plus avec le mari, elles ne prient plus, elles ne vont plus à l'église. Ça veut dire que ton mari est plus que Jésus. À partir du moment où, comme tu es au chômage, tu ne pries plus, ça veut dire que le travail a plus de valeur pour toi que Jésus. Parce que si Jésus a la première place, peu importe les situations, tu restes accroché à Jésus. D'accord? Et Dieu peut te dire, comme il a dit à Gédéon, « Salut, vaillant héros !» Gédéon, tu es un vaillant héros. D'accord? Dieu te dira, tu es vaillant. Parce que quel que soit... Et je vais terminer par quelque chose. Des mondains voulaient chasser un démon du corps d'une personne dans Actes des Apôtres. Le démon a dit, moi je connais Jésus, je connais Paul, vous êtes qui? Le démon les a frappés. Mais remarquez que les démons ont dit, on connaît Paul. Mais pourquoi les démons pouvaient le dire? Parce que ça, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, j'ai appris à être satisfait de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Paul était quelqu'un. Qu'il ait quelque chose à manger, gloire à Dieu. Qu'il n'ait rien à manger, gloire à Dieu. Et quand Satan a vu, il a dit, celui-là, on ne perdons plus notre temps avec lui. Quel que soit ce qu'on peut lui faire, c'est son Jésus qui compte. Parce que Paul était comme ça. J'ai un boulot, gloire à Dieu. J'ai pas de travail, gloire à Dieu. J'ai dormi la nuit, gloire à Dieu. J'ai pas dormi, gloire à Dieu. Quand Satan voit des gens comme ça, il se dit, c'est pourquoi Anne est sauvée. Le mari de Anne est mort. Elle était encore une jeune femme. Mais... Anne a dit, Jésus d'abord, elle a terminé sa vie dans l'œuvre de Dieu. Elle n'a même plus pensé à se marier. Mais vous avez aujourd'hui des sœurs qui ont de l'importance. Oh, comme je ne fais pas d'enfant, Dieu ne me donne pas. Oh mon Dieu, Dieu t'a donné son fils Jésus. Dieu t'a donné Jésus. D'accord? Tu devais aller en enfer, il faut être reconnaissant. Tu ne vas pas te détourner de Dieu à cause d'un bébé. Tu ne vas pas te détourner de Dieu parce que tu as les cheveux blancs, tu n'as pas de mari. Tu vas aller en enfer pour un homme. Tu vas aller en enfer pour un bébé. Tu vas aller en enfer parce que tu n'as pas de boulot. Mais il faut s'accrocher au salut. Dieu t'a donné ce qu'il a de plus cher dans son existence. Son fils Jésus. Dieu n'a pas, la Bible dit, fils unique. Dieu n'a pas deux enfants ou trois. Dieu nous a donné le seul, l'enfant du cœur. Le seul qu'il a. C'est ce seul-là qui nous a été donné. Sois reconnaissant. Tu devrais dire, je m'en fous, boulot ou pas boulot. Jésus d'abord, mari ou pas mari, Jésus. Ce sont ceux-là. C'est pourquoi Jésus a dit, ne craignez pas, petit troupeau, petit troupeau. Parce que ce sont ces personnes déterminées comme Paul. Paul peut dire, que je sois dans l'abondance, gloire à Dieu. Que je n'ai rien à manger, gloire à Dieu. Quand le diable regarde ces personnes, il dit, lui-là, ce n'est pas la peine. On peut même provoquer un divorce dans son couple. Elle ne va pas abandonner Jésus. On peut manipuler son directeur d'entreprise pour qu'il soit licencié. C'est pas ça qui l'amènera à abandonner Jésus. On peut même lui envoyer une maladie. C'est pas ça qui l'amènera. Quand c'est Satan connaît ces éléments-là. Ce sont ces éléments déterminés pour Jésus qui seront sauvés. Rien, Satan ne pourra pas les arrêter.